Putain, c'est qui appelle à cette heure? C'est pas Ça vrai. va, il est à peine minuit. Pff, si jamais c'est encore un de tes potes qui vient nous gratter du shit. Mais non, c'est un des mecs du projet qui m'appelle pour savoir si j'ai écrit pour l'extension. Ouais, savoir s'il n'y a pas un petit truc à pander, quoi. Ouais, c'est qui? Bah, c'est moi, je te dérange pas? Pff, encore lui. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Bah, je t'appelais parce que je voulais savoir si y avait moyen qu'on se voie, tu sais, parce que l'autre fois, la dernière fois. Comme par hasard. Oh mec, c'est chaud, t'as vu l'heure là? Je suis avec ma femme, on va se coucher. Ouais, mais bon, Guéna, il est en Espagne, Bézel, il est au Laos, les Botrou, ils sont en repas de famille, enfin, voilà, c'est la misère, quoi, et c'est pour savoir s'il y avait moyen, voilà. Tu fais chier, tu vas finir par me devoir un smi, hein. Allez, passe, négro. Bah, c'est merde à toutes, hein. Putain, des potes, des potes.